comme eux. Dire que je pense, là je suis défoncé, je vais tous les démonter. C'est tous des mythos, ils tiennent pas les demi-temps. Tu vois les yeux rougeants, je te conseille de faire demi-tour. Et on n'est pas teubés, fais pas ce vie, faut que la daronne se porte bien. Sinon je fume n'importe qui, je veux plus voir les portes toquer. Non je serai plus n'importe quoi, c'est là où tout le monde t'écoute. Frère ici personne te croit. Je suis en bas de chez moi, là je perds mon temps. Y'a rien qui va, y'a le pote qui vend. Wesh qu'est-ce qui se passe, t'es déjà dit on sait ce qu'on fait. Ils perdent la tête, fument de la semine, on sait ce qu'on fume. Hier ça parlait en peupon, aujourd'hui en pépé, ma en pécule. Hier ça parlait en peupon, aujourd'hui en pépé, ma en pécule. Il y a une chose que je peux vous garantir. C'est qu'on leur apprendra tout ce qui est à nous, ces chiens. Pleure pas sur ma terre qu'on mal fait des dorains, on se bat là-haut. Ça redescend des Pays-Bas ou ça remonte des Camarons. J'veux pas confiance à l'autre, j'suis parano. Si j'ai tout gardé pour moi, arrête, c'est par amour. Tu trouves pas que t'es merde, ils font tous tes calibres. Des langues de pute, ils parlent pour rien, ils parleront moins devant le calibre. Même au Caraïbe, tu trouves pas ton paradis. J'ai ça nous parachine, frérot c'est ça la vie. Tu perds tes refrains dans la rue, tout est vrai. Tu trouves pas la paix, s'il en faut tu payes les frais. Tu passes à la barre, sans bave tu lis les faits. Bah tu casses la barre en promenade en effet. T'inquiète j'oublie pas, les vrais du départ. Sortir de l'anonymat, moi je m'y attendais pas. Sur qui je peux compter, je crois que je vais tous les planter. Il y a une chose que je peux vous garantir. C'est qu'on leur a...